B-E-N-K. Là je te parle de ce que j'ai vu, frère. Ça fait yo. J'ai vu le mal dans le regard d'un homme. Et à chaque fois je m'étonne de voir que vice et méchanceté attirent autant la somme. J'ai vu les larmes d'une mère dépassée par les conneries d'un gamin. Un tas de soucis entassés, mais tellement peu de coups de main. J'ai vu l'ignorance dans leur cœur se transformer en haine. Quand on connaît pas, ça fait peur. Toujours les mêmes qu'on diabolise, que les médias monopolisent. Je dois faire mon analyse, j'ai mon idée sur ce que je vise. J'ai vu la tise ravager les gens trop faibles. Un verre d'alcool de trop et c'est la crise quand personne t'aide. J'ai vu la cam et ses conséquences. Des potes qui perdent leur bon sens, qui mettent du feu sur de l'essence et ne suivent plus la cadence. Allez leur dire que je reste moi malgré tout ce que j'ai vu. Allez leur dire qu'on reste en droit, j'ai pu braver la rue. Car j'ai grandi avec maman au cœur des HLM. Et aujourd'hui j'ai 23 ans, y'a plus grand chose que j'aime. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu, non. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu. J'ai vu la douleur d'un père séparé de sa gamine, ses sentiments qu'on enterre et la haine qui nous anime. L'amour est mort, l'amour n'existe plus. J'ai une pensée pour elle, je dois rester fort parce qu'un jour j'ai vu que l'espoir vit dans chaque chemin retracé par nos choix. Et que chaque vie a son destin qui parfois nous déçoit. Quand ça fait mal, dis-toi bien que t'es pas le seul, qu'il faut garder le mental. Et jamais compter sur personne. J'ai vu les jeunes qu'on incarcère sans essayer de comprendre. Puis qu'ils grandissent face contre terre et finissent par se pendre. Y'a les parents qui baissent les bras et qui demandent pardon. Moi j'oublie pas que j'ai dormi sous les ponts. J'oublierai pas que je me suis couché le ventre vide. Et que tous les jours j'ai vu des amis penser au suicide. Comprends que ça me fait pas rire de voir qu'il est dur de s'en sortir. De ne pas voir l'avenir et me coucher dans un soupir. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu, non. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu. Malheureusement je n'ai pas vu les hommes se tendent la main. Savoir et vivre ensemble, à mon avis on en est loin. Ici les gens se détestent sans avoir besoin d'une raison. Et se fuient tous comme la peste persuadés d'avoir raison. Non je n'ai pas encore vu la famille quand plus rien ne va. Elle est gentille mais trop absente quand tu galères en bas. C'est bien joli de faire semblant mais qui me tend sa main. On se parle, personne s'entend donc ça ne mène à rien. Refrain je n'ai pas vu l'amour que l'on peut me porter. J'ai glorifié la rue laissant les conneries m'emporter. Je n'ai pas vu grandir ma fille donc il me parle de tristesse. Et une semaine sur deux je vacille, je cache beaucoup trop de stress. J'ai vu les solitaires qui rêvent d'un monde sans jugement. N'ont pas de place sur terre parce qu'ici l'apparence nous ment. Et si je te parle de ce que j'ai vu, c'est qu'au final j'ai trop de poids sur le cœur. Je répète les mêmes erreurs. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu, non. Là je te parle de ce que j'ai vu. Mes yeux sont comme brisés quand je te parle de ça, je suis ému. La violence nous invite et prend facilement le dessus. J'ai une pensée pour ma petite, je veux pas qu'elle voit tout ce que j'ai vu. Là je te parle de ce que j'ai vu, frère. Bank.